obrazy we Francji. Pra batar quebrada, pelo gingado é fácil identificar. O verso sofrido e não olha só pro umbigo e o pouco que tem. Compartilhar. De vez em quando está feio, pois sempre nos visita a tal da opressão. E vem driblando o garrincho, que apesar do garrancho, enfrenta sua labuta de coração. Garde la paix, ces cigarettes, pas de me dire mes potes. Reste tranquille, mon son cherche l'axe, béni d'une maudite époque. City et joue des épaules, t'es perdu, cherche Rambo, rallie les beaux. Utilise la colère à bon escient, expérimente les travers puisqu'on avance qu'en les connaissant. Ici, yo, faut faire l'affaire impec, négro reste imparfait, garde ton potentiel avec. Tem cara de mal, mas na moral, foi a vida que ensinou. Treinar, vem calejar, só baixa a guarda ao criador. Com visagem da massa, fige dans le mal. Caixa no, rien de normal. Comme toi ou homme, l'un de nós. Pelo olhar, se pode identificar quem é quem. Ensinamentos de quebrada e só quem é quebrada tem. Agradeça a todos ensinamentos de favela. E como tantos outros filhos de cabra da peste, mas de bom coração e criação sempre difícil. O clima é de tensão que nos fez ser menos sorriso. Espalhado lá pelos extremos da cidade, uns vem pra meter marra, mas nós é pra identidade, rapaz. Si les embrouilles s'enchaînent, c'est que c'est peut-être bien toi, man, la clé du problème. Si sur la vie tu chies, normal que la tienne est cool même. On récolte ce que l'on aime, n'est-ce pas ce que dit le proverbe. Une vie de chien, c'est ce qu'ils veulent qu'on mène. Tu monites la vie et je te le redis à même. Le respect, c'est ce qu'ils veulent qu'on perde. Ne rentre pas dans leur jeu, ne sois pas la mauvaise reine. Qui cara de mal, mas na moral, foi a vida que ensinou. Treinar, vem calejar. Só baixa a guarda ao criador. Com visagem da massa, fiche dans le mal. Me caixa no, rien de normal. Comme toi ou homme, l'un des nôtres. N'écoute pas ce que tu vois, regarde plutôt ce que tu entends. Parce que ton âme est vraie, parce que le mensonge tu entends. De toi à moi, on est des guerriers de la vérité. Chez toi, c'est chez moi, et la vérité doit se mériter. Fais-le pour toi, gros, ça servira au monde entier. Parce qu'il faut savoir faire la guerre pour servir à un monde en paix. Trop le temps qu'il faut pour corriger tes défauts. Mais n'oublie pas que le temps c'est toi. Les vrais ont parfois été faux. Extremos criam tensão. A vida é uma corda bamba. Pode desequilibrar, mas segura o refrão. Na contramão sem saída, o muro pula. Na fuga não se conturba. Pra briga, o país ou o coração. Sempre mandou, manda e mandará. O que passou, passou. E o tempo é um bom remédio pra cicatrizar. O sofrimento, uma daga. O sentimento segura, maré. Com fé, sem mágoa. Tem cara de mal, mas na moral, foi a vida que ensinou. Treinar, vem calejar. Só baixa a guarda ao criador. Com visagem da massa, fiche dans le mal. Me caixa no, rentre normal. Comme toi ou homme, l'un des nôtres. Comme toi ou homme, l'un des nôtres.